aucune discipline. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Radio Cayenne. La radio. Qui préfère foutre le bordel plutôt que de se trouver une place. On est toujours sur Radio Cayenne et on va vous passer l'extrait d'un documentaire sonore qui s'appelle Profession cordiste, qui est un documentaire sonore qui a été fait par Franck Despretz et du coup que vous pouvez retrouver sur son Mixcloud. Donc c'est www.mixcloud.com/Franck Despretz. Franck comme Franck et Despretz, D-E accent aigu, P-R-E-T-Z. Donc ça s'appelle Profession cordiste, ça parle des conditions de travail des cordistes et de la mort notamment d'un d'entre eux en 2017. Et on vous laisse écouter ça et après on parlera de l'appel, on vous lira l'appel des cordistes pour s'organiser. Profession cordiste, les gestionnaires premiers de cordée, les intérimaires premiers de corvée. Première partie. Comme c'est un boulot de bagnard et qu'il demande juste à piocher, pelleter. Donc souvent, malheureusement, dans les silos, c'est des débutants qu'on envoie faire ça. Bien, les gars qui tiennent pas, et la sélection naturelle se fait comme ça. Vraiment, ça faisait comme un brouillard toute cette poussière, on voyait pas grand-chose. Il était super chaud, et puis on avait plus l'air, quoi. Ça faisait un petit peu comme un sablier, quoi. Dans tous les autres postes que j'ai faits, il y a beaucoup plus de sécurité, il y a beaucoup plus de gens. Vous faites pas, vous êtes pas des bonhommes, vous êtes des tapettes. Au moment où on allait sortir, je commence, moi, à m'ensevelir. Je commence à crier, tu vois, on entend crier et tout, Quentin il hurlait à la mort. La Marne, l'ex-Champagne-Ardenne, le site agro-industriel de Bazancourt abrite la sucrerie de Cristal Union, propriétaire des marques Dadi et Erstein, deuxième groupe sucrier de France. Avec son centre d'excellence de biotechnologie, ses startups vertes, le site industriel forme l'une des plus grandes bioraffineries au monde et emploie 1200 personnes. Parmi eux, des cordistes, chargés de descendre en rappel dans les énormes silos de sucre ou de drèche du site pour décoller, décolmater la matière récalcitrante sur les parois. En mars 2016, Éric Louis, l'un des cordistes intérimaires de Bazancourt, décrivait son métier dans un court texte brut de décoffrage intitulé « Casser du sucre à la pioche ». Nous sommes 10 ressemblants, indifférenciés, 10 fantômes. Combinaison blanche, bottes blanches, casque blanc, fondu dans le blanc de ces montagnes de sucre. Fantômes silencieux. Les bruits sont étouffés. Mec à côté, s'il parle normalement, j'entends pas. Au reste, personne ne parle ou si peu. De loin en loin, sporadiquement, des paroles transformées, des mots incompréhensibles m'arrivent, mais doux. Les sons tournent et courent le long des épais murs de béton. Presque autant que le boulot, c'est s'arracher à cette atmosphère cotonneuse, étouffée, étouffante, qui est dure. Je suis à l'intérieur d'un cylindre de 30 mètres de diamètre sur 54 mètres de hauteur. En plein milieu, une colonne d'environ 4 mètres d'épaisseur qui monte là-haut soutenir le toit. Le tout en béton peint de couleur bleu pâle. La lumière blafarde de deux énormes lampes achève de lisser les velléités de contraste. Au fond de ce cylindre, sur une hauteur variant de 10 à 15 mètres, restent 5000 tonnes de sucre. Il est censé s'écouler par gravité, au gré des besoins du conditionnement. Il devrait sagement glisser par les trémies, sorte d'entonnoir moulé dans l'épaisseur du sol, pour être emmené vers son destin de sucre. Mais celui-là, il ne veut pas finir en petits morceaux dans ton café, ou fondu dans une confiture de grand-mère, ou complice de l'impérialisme américain délayé dans du Coca-Cola. Il renacle, s'agrège, colmate, résiste. La force de l'inertie. Heureusement, les responsables de la sucrerie, qui sont des humanistes, ne veulent pas te priver de sucre dans ton café, ne veulent pas empêcher ta grand-mère de confectionner ses confitures, seul lien qui la retient à ce peu de vie qui lui reste à vivre. Alors, Ils envoient au fond du silo une poignée de fantômes tout blancs, matés de sucre récalcitrant à coups de pioche et de pelle. D'en haut, par le trou, déjà le spectacle est étonnant. La hauteur équivaut à un immeuble d'une vingtaine d'étages. On distingue mal ce qui nous attend. Du blanc. Se laisse deviner quelques creux, des bosses. Arrivé en bas, c'est simplement surréaliste. Là, les reliefs se matérialisent. Et quel relief ! Devant nous, des montagnes de sucre. Ils s'accumulent davantage contre les parois humides, formant des pentes abruptes. On est écrasé par le volume formidable de ces 5000 tonnes, ébloui par cette blancheur immaculée. Un temps déboussolé par le silence entêtant du lieu. Les cristaux brillent à la lumière pourtant lointaine des deux halogènes. On est au pôle Nord en pleine Champagne. Depuis, Eric a réécrit un texte au titre tout aussi explicite. On a perdu Quentin. Quentin, c'est son collègue, cordiste également. Quentin Zahraoui Brua. C'était plus tôt. Le 21 juin 2017, il meurt enseveli sous 370 tonnes de drèche dans un silo de Bazancourt, à l'âge de 21 ans. Quentin ne cassait pas du sucre à la pioche, mais de la drèche, ces résidus de céréales qui colmatent et forment d'énormes blocs le long des parois des silos. Quentin ne travaillait pas directement pour Cristal Union, mais pour sa filiale, Cristanol, l'un des leaders de la production de bioéthanol en Europe, un biocarburant obtenu à partir du blé et de la betterave. Le jour de l'accident, Quentin travaillait du poste du matin, Eric de l'après-midi. Ils ne se sont pas croisés. La veille, Quentin avait dit à Eric « Au fait, j'ai lu ton bouquin, trop stylé, il y a des passages qui m'ont bien fait marrer ». Casser du sucre à la pioche venait d'être publié sous forme de brochure dans une petite maison d'édition, les éditions du commun. Quentin venait de le lire. Ce sont les derniers mots qu'il prononcera à Eric. Moi, j'avais connu Quentin il y a à peu près, ça faisait à peu près un an qu'il bossait dans le coin. Il n'a pas bossé que dans le coin, il est venu bosser dans le coin. Après, il est reparti bosser un petit peu sur Paris, je crois. Il avait bossé un petit peu en Bretagne, mais la plupart du temps, il avait bossé ici. Ouais. Dernièrement, il dormait au Airbnb avec les gars. Mais quand il est arrivé tout au début, la première fois que je l'ai vu, il dormait dans un foyer de jeunes travailleurs sur Reims. Parce qu'ils connaissaient encore personne. Là, les gars, quand ils vont à Airbnb et compagnie, c'est que ils se sont passés le mot, ils y vont à plusieurs et ils arrivent à mutualiser. Lui, quand il est arrivé là, il venait de sa Bretagne, il connaissait personne. Il est arrivé un lundi matin après 6 heures de route. Il savait pas trop comment se dépatouiller. Il a pris cette solution-là, quoi. Comme la majorité des cordistes envoyés à Bazancourt par ETH, entreprise de travaux en hauteur, basée dans le Pas-de-Calais, Quentin était intérimaire. Bazancourt, c'était mon 11e jour sur corde. Donc vraiment, ça fait pas beaucoup, beaucoup. Anthony Pouille, 32 ans, était aussi intérimaire. Appelé en renfort la veille, il travaille pour la première fois à Bazancourt, et pour la toute première fois, dans un silo. On m'a téléphoné, je crois qu'on m'a téléphoné la veille, il devait être 4h de l'après-midi, quand on m'a dit, ok, pas de problème, là t'y vas, tel endroit, telle heure, faut que tu sois là au matin, je crois que c'était pour 5h du mat, pour question d'avoir un hôtel ou un camping, enfin c'était déjà un peu juste, alors j'avais pris la tente, et puis j'étais parti comme ça, je suis arrivé là-bas, j'ai posé la tente dans une pâture ou un truc comme ça, et puis voilà quoi, j'avais dormi, comment dire, un petit peu sur les hauteurs de l'entreprise, il y avait une espèce de petit bois avec des champs, et puis un petit morceau d'herbe, je m'étais mis là. Ouais, je m'étais couché, il était je sais pas quelle heure, le temps de faire la route, de monter, de manger. Au matin, tout emballé pour mettre dans la voiture. Ouais, c'était une courte nuit, quoi. Le 21 juin 2017, Anthony est envoyé dans le silo sans le moindre briefing. Il est censé recevoir, comme tout nouvel arrivant, un point accueil sécurité l'après-midi. Il ne l'aura donc jamais. quand j'entre là-dedans, bah, je me rends compte, waouh, il y a un petit rayon de lumière, il y a une petite baladeuse, en fait, qui permet d'avoir un petit peu de lumière intérieure, on voit pas grand-chose, on est avec nos lampes frontales. Et puis, du coup, on voit pas moins, parce que c'est quand même un peu poussiéreux, puis on voit, ça fait vraiment comme une montagne, quoi. On sent pas grand, quoi. C'est vraiment, on est à côté de ça, et puis, on doit casser ses mottes, ou même des fois, ça fait carrément un mur, on doit casser tout ça. Et quand on voit, quand on casse un bout, des fois, ça part très lentement, faut vraiment insister, et des fois, on casse à peine un morceau, et tout tombe, tout dégringole. On se demande, bah tiens, comment ça se fait que ça tient et comment ça se fait que je me sois en sécurité à côté de ce truc-là qui peut dégringoler sur ma tête, quoi. Donc ouais, c'était un petit peu oppressant, et puis je me sentais pas super en sécurité, mais bon, comme les autres le faisaient, et puis qu'ils avaient l'air plutôt cool et puis sereins, bon, je me suis dit, ouais, c'est une attraction du débutant. Bon, bah, de toute façon, en travaillant, après, on n'y pense plus trop, quoi. Donc là, on est de retour sur Radio Cayenne. Et on vient d'écouter donc un extrait du documentaire en deux parties qui s'appelle Profession cordiste, que vous pouvez retrouver sur Mixcloud, le Mixcloud de Franck Despresse, D-E-P-R-E-T-Z. Et on voulait en profiter pour annoncer, pour vous lire un appel signé Cordiste en colère, Cordiste solidaire, qui s'appelle « Et les cordistes, c'est quand qu'on s'organise ?» Cordistes intérimaires, embauchés, indépendants, indépendantes, se serrer les coudes, c'est dans nos cordes. Le 11, 12 et 13 janvier, à Reims, 3 jours pour amorcer ensemble une dynamique de lutte et relever la tête. Parce que se faire payer, c'est rarement simple. Parce que les DEP ou les heures, c'est souvent une bataille. Parce que les kits EPI, c'est pas à nous de les payer. Parce qu'il y a bien trop d'accidents au boulot. Parce que malgré ça, rendement et profit priment toujours sur la sécurité. Parce que pour les boîtes d'intérim, on n'est pas bien plus que des numéros. Parce qu'on est bien trop souvent isolé en cas de litige avec nos employeurs. Parce que les groupes Facebook peuvent être des outils importants pour échanger, se filer des tuyaux. Mais que pour réussir à s'organiser en vrai, ça a bien des limites. Parce que si on veut arrêter de se faire bouffer au boulot, réussir à se défendre, ça se fera pas tout seul. Parce que les patrons ne nous ont pas attendus pour se défendre. SFETH DPMC. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que s'il y a des cordistes qui nous écoutent, vous savez ce que c'est. Parce qu'on en parle souvent, mais qu'on ne s'y met jamais. Parce qu'on n'aura que ce qu'on saura arracher. Pour tout ça, et bien d'autres raisons encore, il est grand temps de nous organiser et de tisser un réseau de solidarité pour nous serrer les coudes et nous défendre. Donc il y a le programme, donc, vendredi 11 janvier à partir de 9h, il y a le procès de l'accident d'Arthur et Vincent, et du coup c'est un rassemblement au tribunal de Reims, place Miron-Éric, se tiendra le procès de l'accident mortel d'Arthur et de Vincent, enseveli en 2012 au fond d'un silo de l'usine Cristal Union à Bazancourt. Soyons nombreux devant le tribunal pour afficher notre solidarité et exprimer que de tels drames ne doivent plus se reproduire. Donc ça, c'est vendredi 11 janvier à partir de 9h. Samedi 12 janvier et dimanche 13 janvier, c'est un week-end de rencontres pour s'organiser et se défendre. Retrouvons-nous le temps d'un week-end pour nous rencontrer, tisser des solidarités, imaginer des outils pour se défendre, être plus fort et moins isolé face au boulot. Bref, pour commencer à nous organiser, nous serrer les coudes et lutter ensemble. Donc c'est à Reims. Le lieu exact, il reste à définir. Il y a une possibilité d'hébergement sur place. Il faut penser à ramener des sacs de couchage, des matelas gonflables et de quoi partager à manger, à boire. Et vous pouvez confirmer votre présence au 06 38 49 64 18, 06 38 49 64 18 ou au 07 70 30 54 13, 07 70 30 54 13. Au programme des rencontres, il y a la présentation de l'association Cordiste en colère, Cordiste solidaire, des échanges sur les problématiques rencontrées au boulot et des idées pour y faire face, comment tisser un réseau de solidarité, droit du travail, soutien juridique, partage d'infos, accident de travail, soutien moral, accompagnement juridique. Il y a la question du site internet, de Facebook et des autres outils de communication. Il y a la question des mesures et des règles à imposer pour faire appliquer, des règles à imposer et à appliquer.

Ah!